c'est encore loin, Bourges. Oh, 2h, 2h30, 3h sur la Palamboute. Oh, super, c'est chouette, Bourges. Ah, mais franchement, c'est super. Il y a de la zig de dingue. Super, super, excuse-moi, mais ils me font peur, moi, ces gens. Pourquoi? Écoute, un festival où sur la même affiche, il y a Juliette Gréco et Black M, ça me fait peur. Ouais, il a raison. Mais tu t'en fous, avec un bonjour, tu fais pas la différence. Tu te dis que Black M qui chante Joli Môme, ben, c'est un super délire. Ouais, il a raison. Quoi, un bonjour? Mais ça va pas ou quoi? Tu veux dire que sur des festivals de musique, il y a des gens qui se droguent? Non, faut prendre le problème différemment. Il y a parfois des gens qui ne se droguent pas dans les festivals de musique. Moi, j'aime bien Black M, là, sur la route, papi, putain. Il en reste combien de la route? Bon, j'aurai 3h, 3h30, enfin maximum dans 4h, on est là. Et puis l'idée d'appeler ça Printemps de Bourges. Moi, je trouve ça beau. Oui, c'est beau, mais il fait 14 degrés alors le printemps. Ouais, c'est vraiment un jour, j'étais à l'automne de Carcassonne et il faisait meilleur. On s'en fout du climat. Tu prends un Esta et t'es réchauffé. Quoi? Encore de la drogue? Ah, mais l'Estasi, c'est pas de la drogue. Ça va, j'ai eu peur. Comment tu sais ça, toi? T'as déjà pris de la drogue? Ah non, mais non, jamais. Non, jamais. Alors, parce que sinon, c'est bête, c'est toi au volant. Ah ben non, ça au volant, non, jamais de drogue. Que de l'alcool, toujours. Rassure-moi, à Bourges, j'ai pas d'alcool. Ah bon, non, ça c'est sûr, le festival de musique, y'a pas d'alcool, enfin. Peut-être un petit verre de rouge pour Juliette Gréco, voilà, hein, mais c'est ça, tout. Ça. Bon, je commence à avoir envie d'y être, moi, à Bourges. Ah bon, compte 5h, 5h30, 6h, on est large. Oh, le nom! Non, bon, si tu manges le petit cake, là, qui est là, c'est oh, un il a l'air bon. C'est quoi, je connais pas cette marque? Space Cake. Non, ça c'est Space Cake. Bonjour la France Inter, bonjour les Berrichons, les Berruyers, bonjour les Printaniers, bonjour à tous! Vous écoutez l'émission qui cueille l'actualité quand elle est trop mûre et voici les trois informations que nous récolterons dans notre panier en osier. 2 ans après le mariage pour tous, c'est le début du divorce pour tous et c'est bien normal. Il n'y a pas de raison que le mariage réussisse plus aux homosexuels. Mais c'est jamais facile parce que parfois, il y a encore de l'amour. Vous voulez divorcer? Oui, maître. Ah, j'aimerais beaucoup que vous ne vous teniez pas la main dans ce bureau, s'il vous plaît. Pardon. Kate Middleton accouche d'un jour à l'autre et si ça tombe, elle est en train de nous écouter pendant qu'elle pousse. Le Royal Baby n'est pas encore arrivé qu'on annonce déjà qu'il est très important pour l'économie du pays. What a responsibility! Her Royal Highness was safely delivered of a prince at 9:14 p.m. Dur être bébé. Savez-vous ce que c'est le boylesque? C'est du burlesque, mais pour les hommes. Les hommes ont également envie de s'effeuiller. Et après tout, si on a envie... Déshabillez-vous. Elle a tellement raison, Juliette. Et pour m'accompagner, une belle bande de fleurs du printemps. À 17h20, il est dans son jardin ici, puisque Bourges, c'est l'Éden de la musique. Et comme le festival ouvre aujourd'hui, on est en plein dans l'actu. Résultat, il y a un chemin bordé de roses pour l'actualisique de Thomas VDB. Bonjour Alex. Bonjour Thomas, de quoi allez-vous nous parler? Eh bien écoutez, je viens de relire ma chronique et je me demande exactement, précisément de quoi je vais parler. Puisque je sais pas si je pense que je vais parler du printemps de Bourges. C'est important. À 17h30, elle effeuille l'actualité scientifique pétale après pétale. Et nous on comprend un peu, beaucoup à la folie, en général pas du tout, mais c'est pas grave parce qu'on rit avec Nicole Ferroni. Oui, monsieur Vizorek, ouais. Bah, écoutez, aujourd'hui nous parlerons des océans et du foie parce que c'est pareil, il faut bien s'en occuper. Très bien, c'est un bon teasing. À 17h40, en exclusivité France Inter, il revient de son voyage à Erevan en compagnie de François Hollande. A priori, on va essayer d'avoir André Manoukian au téléphone dès qu'il aura posé le pied en France pour nous raconter les coulisses de la commémoration des 100 ans du génocide arménien. Et je vous donne ma première question. Dédé, Vladimir Poutine, est-ce qu'il est vraiment sympa? À 17h55, bien que nous soyons dans un festival où la musique est à l'honneur, il est venu quand même. Frédéric Fromet viendra chanter une chanson. Si tu écoutes, j'annule tout. Sur les réseaux, Twitter, hashtag annule tout et sur Facebook. Et surtout, chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence. Et aujourd'hui, c'est Happy Hour, puisque nous avons 2 référentes de la République. Vous avez tout annulé pour venir parler avec nous. Vous êtes nés l'une sous Pompidou, l'autre sous Giscard, et le collectif est né sous Sarkozy. Vous reprenez Ma Benz de Nick Tamer en 2009. C'est l'année où la Norvège légalise le mariage entre 2 personnes du même sexe. En 2011, c'est la sortie de votre premier album, Et vous, tu m'aimes. C'est l'année du mariage de Charlène et Albert de Monaco, qui ne se sont peut-être pas posé cette question. En 2012, vous recevez la victoire de la musique, et c'est l'année où Matt Pokora reçoit le Energy Music Award, mais a priori, il n'y a pas de lien. Vous êtes... Brigitte est avec nous. Alex Vizorek, si tu écoutes, j'aime tout. Alors d'abord, faites-moi les présentations, parce qu'on a reçu Fauve, et Fauve, il faut les appeler Fauve. Alors vous, on ne dit pas les Brigitte, je vous appelle par votre prénom, parce que vous ne voulez pas, vous voyez, c'est très compliqué pour nous de recevoir. Tu peux nous appeler par nos prénoms, oui. Donc Sylvie et Aurélie, très ou bien. Tu peux nous appeler Brigitte. Très bien, jamais les Brigitte, là, vous coupez la tête. Voilà. C'est noté. Alors on est au Printemps de Bourges, et je propose qu'on commence par là. Qu'est-ce que ça représente pour des gens de la musique, le Printemps de Bourges? Nous, on est humoristes, c'est le Festival de Montréal ou Montreux. Est-ce que l'équivalent, c'est le Printemps de Bourges pour les gens qui chantent? Sûrement, en tout cas pour les jeunes artistes, les jeunes groupes, c'est très important parce que y a un grand tremplin. Enfin, il y avait. Quelle hauteur? Un grand tremplin. 10-15 mètres, tu vois. Comme tremplin, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui sortent de y a une radio scène, crochet. Voilà, il y a une scène pour les jeunes artistes et du coup, ça compte. Si, ici, il y a du public. À chaque fois, c'est régional. C'est la découverte de Picardie. Exactement. On peut savoir quel est le meilleur groupe de Picardie. Ça, c'est génial. Il y a le meilleur groupe de Champagne-Ardenne. Moi, je suis un fan de musique de Champagne-Ardenne. Et tu crois qu'ils viennent d'où, les groupes? Tu crois qu'ils viennent de Paris? Non, non, mais l'important, c'est vraiment de catégoriser par région. Vraiment savoir quel est le meilleur groupe de région PACA. L'important, c'est de jouer, d'avoir des scènes qui permettent de le faire. Donc, ça, c'est assez important pour en parler. Parlant de scènes, vous serez sur l'une d'entre elles ce soir. Direct sur France Inter, dans l'émission d'André Manoukian, mais qui, comme le type est diplomate en ce moment, ne sera pas là, et c'est Didier Varro qui reprend la boutique. Vous serez, alors je vais donner, à 21h, en compagnie de Célassou, je ne fais pas de prosélytisme belge, d'Angus. C'est sûr qu'on joue à 21h. C'est pas nous à 21h. L'émission, c'est de 21h à 23h. Ah. Ça va, vous avez prévu de le faire, ou vous avez autre chose à foutre ce soir? Non, mais notre émission, elle est à 19h, notre concert est à 19h50. Vous savez quoi, je vais appeler Didier Varro à la pause musicale et je vais aller l'engueuler. En tout cas, il y aura du monde ce soir, à 21h, 23h, Vianney, Angus et Julia Stone. D'ailleurs, est-ce que quand on vient comme ça en festival, on regarde l'affiche, on se dit, tiens, ce concert-là ou ce concert-là, j'irais bien le voir. Oui, complètement. Et qu'est-ce qu'on va voir alors quand on est ce soir, Brigitte? On est très très contente d'aller voir Angus et Julia Stone. Moi, j'ai adoré ce disque, je suis ravie de voir ce groupe que j'aime beaucoup. Et vous allez à deux au concert ou vous arrangez à un moment pour aller chacune voir un concert différent pour vous séparer? Jamais. Sinon, oui, alors votre actu, c'est aussi une tournée pour le dernier disque à bouche, Que veux-tu, dont on écoutera un extrait dans un instant. Vous allez à Marseille, vous allez à Lausanne, vous êtes en tournée jusqu'au 6 février et surtout deux grandes dates à Paris, le 5 et le 6 mai à l'Olympia. Ce disque est votre troisième. Est-ce que maintenant... Non, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Et bien voilà, j'ai bien bossé tout ce qui est musical, mais c'est ma spécialité. C'est normal, c'est compliqué. Je vais t'expliquer pourquoi. Oui, ouais. Bon, mais expliquez-moi maintenant, non? Non, après. Ok, moi j'expliquerai aux auditeurs encore après. Donc, ce disque est sorti en novembre, c'est bon? J'ai bon? Oui. Ouais. Très bien. Est-ce qu'on commence à en profiter maintenant, une fois que toute la promo est faite, tout ça, maintenant on fait les festivals, on profite de la scène, on profite de le rendre au public, qui maintenant commence à bien le connaître par cœur même, en fait? Nous, on profite depuis longtemps, tu sais. Non, mais il n'y a pas un moment, un plaisir de... Ok, la promo est terminée, maintenant... Même la promo, elle n'est jamais vraiment terminée, regarde, on est là. C'est vrai, je suis ravie que vous soyez là. C'est par plaisir. Vous êtes là jusqu'à 17h, on va parler de votre actu. Est-ce que... Parce qu'on a reçu Las Palais Chevalier, et moi, les duos, ça me passionne. Alors, ils m'ont demandé... Enfin, je leur ai demandé comment ils travaillaient. Comment ça travaille des Brigitte? J'ai pas dit les Brigitte, j'ai dit des Brigitte. Ouais, pas mal, bien joué. Bon, ça est bien sorti. Hein. Est-ce que vous bossez ensemble? Est-ce qu'il y a une qui dit, j'ai une idée, je vais la faire de mon coin, puis je reviens, si t'aimes, on accepte, des trucs comme ça? On fonctionne en ping-pong, on discute, on se raconte nos vies, on s'aime beaucoup. C'est donc vrai. Je confirme, avant l'émission, vous parliez, hors antenne, c'est important de le dire aux gens. On se parle, on se dit des choses, on écrit, on compose ensemble, voilà. C'est très simplement. Et résultat, sort un deuxième album. À bouche, que veux-tu, dont on écoute un extrait maintenant. Viens ce jour, ma peau ne sait plus attendre. Viens, cours, des papillons creux du ventre. Viens me porter secours. Je brûle nos imaginaires, le vin et les chansons d'amour en sucre me font toujours autant d'effet. Et là, je note que vous connaissez bien le texte pour ce soir. Vous êtes sur scène à quelle heure? Parce qu'on peut encore... 19h50. Peut-être reste-t-il des places. Venez au Printemps de Bourges. Et s'il ne reste plus de place pour vous, il y a beaucoup d'autres concerts. Les... Brigitte est avec nous. Oulala, j'étais à deux doigts de la boulette. Brigitte, dont le deuxième album s'appelle À bouche, que veux-tu? Parce qu'en fait, il y a eu un premier album et puis il y a eu un 1,5. Comme Fellini n'a pas fait son 9e film, il l'a appelé 8,5. Comme vous, voilà, c'est un 1,5. Et donc, c'est le deuxième album. Et puis en tournée. Et puis à l'Olympia, les 5 et 6 mai autour de la mais table. Mais c'est déjà complet. Donc, ça sert à rien de je le dirai plus. Je le dirai plus parce que si c'est pour frustrer les gens. Et au Zénith le 21 novembre. Et au Zénith le 21 novembre. Et de France, un peu partout. Tout autour. Mais ça marche, hein, ça marche votre truc, non? C'était une bonne idée de faire un truc cadeau, je pense que vous avez bien eu raison. Autour de la table, Nicole Ferroni et Thomas VDB. Et on va se faire une petite revue de presse, parce que vous avez sans doute pas eu le temps, il y avait des balances, tout ça. Nous, on a tout lu aujourd'hui. Nous constatons que le fossé s'élargit entre les riches et les pauvres. C'est normal, les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches. L'info au kilo. Et on commence par la nouvelle présidente de France Télévisions. Oui, le CSA a choisi Delphine Ernotte. Et vous avez lu son portrait dans les journaux. Oui, alors c'est l'ancienne directrice générale adjointe d'Orange France. D'Orange et de France Télécom. Hein. Donc la première mesure qu'elle va prendre, c'est mettre des grilles aux fenêtres oui, du bâtiment. Oui, et dans le portrait, on apprend que petite, elle voulait devenir archéologue. Oui, elle voulait devenir archéologue, elle aime les vieilles choses, donc c'est probablement reparti pour 3 saisons de Vivement Dimanche sur France Télévisions. Alors, passons maintenant à un article de Slate. Oui, Slate qui dit que les politiques sont très présentes dans la candidature de Paris pour les JO 2024. Et même trop présent, juge Slate, bon nombre de ces politiques n'ont évidemment rien à voir avec les JO. C'est vrai, et moi je pense que le seul qui pourrait vraiment se mêler du problème, c'est François Bayrou, parce que lui, il a compris depuis longtemps que l'important, c'était de participer. Passons à un article du Figaro. Oui, la Société Générale condamnée pour avoir repris l'idée d'un étudiant en stage. Oui. Ah ben voilà un bon stage, il aura appris qu'on peut se faire arnaquer par des banquiers. C'est vrai, et après 8 ans de procédure, l'ancienne étudiante de l'ESC Toulouse, qui accusait la Société Générale d'avoir repris son projet de transfert d'argent vers l'étranger sans son accord obtenu gain de cause, la banque devra lui verser 80 000 euros de dommages et intérêts. 80 000 euros et après on dit que les stagiaires sont mal payés? Je suis d'accord avec vous. Passons à la Chine. Oui, les striptease aux enterrements, c'est fini. C'est vrai, le gouvernement chinois décide d'interdire la pratique des striptease aux enterrements. Oui, c'était possible. Et j'espère donc ne pas décéder en Chine parce que moi j'y tiens. Un striptease sur mon cercueil en bois de palissandre. C'est noté. Et venons-en maintenant à une étude britannique qui vous donne un truc pour vous sortir une chanson de la tête. Oui, on a parfois une chanson. Alors, quand c'est une chanson à vous, ça va. Mais quand c'est autre chose, c'est plus gênant. Et l'université de Reading a prouvé que pour vous sortir un rythme entêtant, il faut mâcher un chewing-gum. Donc, je propose un partenariat entre Christophe Maé et Hollywood Chewing-gum pour que l'un nous sauve de l'autre. Et on termine par un petit cadeau pour le Printemps de Bourges. Oui, la grosse vedette de ce festival, c'est entre autres Christine and the Queens. Et aujourd'hui, le Palmacho a sorti un extrait du futur Prime qu'ils vont faire sur D8. Ils ont invité Florence Foresti, qui fait une parodie de Christine the Queens. Tu sais, je suis Christine, de Christine and the Queens. Je m'appelle pas vraiment Christine, mais je suis quand même la Queen. Je peux danser, chanter, chuchoter, je sais même respirer. T'as vu, c'est joli, petite maison dans la prairie. C'est moi la première, nanananer. Ça promet, merci Florence Foresti. Ça vous a fait rire? Ouais. Oui, qu'est-ce qu'on pense de Christine and the Queens quand on est on adore. Brigitte? Ouais. Non, parce que, alors, ouais, évidemment, comme tout le monde, non? Est-ce qu'on s'est moqué de vous? Enfin, quand je dis moqué, c'est plutôt gentil ce qu'elle fait ici, Florence Foresti, je trouve. Ouais. On a eu un truc tellement drôle. On a eu l'honneur d'être parodié par Groland, quand même. C'est vrai? Ouais. Et c'était quoi le délire? Ça s'appelle les Josiane? Non, les Gisèles. Bon, et bien parfait, maintenant vous êtes là pour ça, c'est pour traiter l'actualité. Attention, c'est une émission qui est censée changer le monde. Donc, j'ai pas révisé. Voilà, ouais, c'est pas grave, nous non plus. Premier sujet, 2 ans après le mariage pour tous, les premiers couples gays commencent à vouloir divorcer. Bah, eux au moins, ils changent d'avis, si Frigide Bardot pouvait en faire autant. Mais un divorce, c'est avant tout de la souffrance. Tu ne m'aimes plus, Renato. Après tant d'années de vie commune, tu me regardes comme un pot-au-feu, plus comme une reine de théâtre. Tu me trompes, Renato. Mais voilà, ça recommence. Il y a un homme dans ta vie, ça je le sais. Non, il n'y a aucun homme. Ben vas-y. Frappe-moi. Frappe-moi. Du grand Michel Serrault avec Hugo Tognazzi, La cage aux folles 1978, film au coué, ça remonte hein, quand même quand on regarde la date. Alors, première question, évidemment question forte, prise de position, est-ce qu'on doit donner aux homosexuels le droit de divorcer? Mais quelle question très très bizarre. Oui, c'est pour ça que je l'ai formulée comme telle. en fait, voilà, ça fait 2 ans, et c'est Le Parisien qui a sorti un article hier, et qui dit qu'en fait, il y a assez peu de couples qui divorcent, il y a eu 17 500 mariés, et il y a un site qui sert à ça, si vous êtes marié et que vous aimeriez divorcer, qui s'appelle divorcegay.fr, qui donne les conseils parce qu'il y a des avocats spécialisés dans le divorce gay. Et les avocats disent que voilà, ça se passe de manière moins conflictuelle que les divorces hétéros, de par essentiellement le fait qu'ils se sont mariés plus âgés, les gays. Un mariage plus vieux, mariage heureux. Bien tourné. J'achète. Et moi qui suis belge, je vous donne des chiffres qui viennent de chez nous. Entre 2003 et 2010, parce que c'est autorisé depuis 2003 en Belgique, le mariage pour tous, seulement 6,7% des mariés homosexuels masculins ont demandé le divorce et 10,6% des mariés homosexuels féminins. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça divorce plus les filles, vous êtes emmerdées là. C'est n'importe quoi. Ah non, mais c'est des vrais chiffres, c'est pas du tout n'importe quoi. Oui, mais c'est belge. On s'en fout. Oui, alors on s'en fout, c'est une bonne analyse, mais. Ça fait quand même 2 ans que ça s'est un peu calmé, les questionnements par rapport à ça. La question, c'est est-ce que des gens vont faire des manifestations pour ne pas donner ce droit aux homosexuels? Ah non, ça c'est sûr que pas. C'est sûr que pas, mais. On sait jamais, hein, ils ont l'air. Est-ce que pour finir, le fait que ça n'arrive pas tant que ça, ça cautionne pas le fait que bon, c'était beaucoup de bruit pour rien cette affaire-là? Bah ouais, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'étais un peu trop bruyant, les emmerdeurs, oui. C'est sûr. Est-ce que vous étiez impliqué d'une manière ou d'une autre? Vous avez regardé ça, vous n'aviez pas envie, vous trouviez ça idiot comme... Ça fait de la peine, hein? Oui, non, oui. C'est vrai, autant d'énergie pour pas grand-chose, oui, c'est vraiment de la peine. Parce que, en tout cas, nous, vu de Belgique, c'est comme ça qu'on l'avait vécu. Maintenant, voilà, la France est un pays d'éternel débat, vous connaissez ça. Et donc, vous, pas peur du divorce, vous, à vous deux? Entre nous? Oui, entre vous. Est-ce qu'on a peur? On s'est jamais posé la question. Ah, est-ce qu'on pose la question aux jeunes mariés? Quand on a fait 2 albums et demi, ça veut dire, disons 2 enfants et demi, des jumeaux et puis un enfant normal, est-ce que on se dit, voilà, non, parce que le concept Brigitte, quelque part, voilà, que vous avez inventé, qui fait votre marque aujourd'hui, est-ce qu'à un moment on se dit, ce concept-là, à un moment, on va vouloir le clore ou... C'est pas un concept, c'est un groupe. Oui. Alors, est-ce qu'un groupe, on va avoir envie de splitter? On s'aime trop pour ça, pour l'instant. Vous savez, vous parlez comme Chevalier Las Palès. Non, mais pour l'instant, non. Enfin, on peut pas dire ce que sera l'avenir. Mais quel cauchemar. A priori, il y a pas. Non, tout va bien. Donc bien, on n'a pas envie. Moi, je m'attendais à une réponse positive et je l'ai eue. Passons donc à Thomas VDB qui va nous parler musique. C'est le vrai spécialiste. Hein, comme vous l'avez remarqué, moi, je suis allé un petit peu à la traîne. Chacun le sait. Chacun le sait. Ah, vous vous connaissez. Puisqu'évidemment, un peu de musique et un peu d'actualité, c'est la page actualisique de Thomas VDB. Alors, évidemment. Écoutez ça, on est en public, c'est génial, ça va le public? Alors, on a l'impression d'être un petit peu dans un concert de U2, mais à Bourges, on a l'impression d'être un concert de U2. Alors, Bonjour à tous les amoureux de la musique. Bonjour au Printemps de Bourges. Le Printemps de Bourges qui est un petit peu le festival de musique française populaire par excellence. C'est un festival familial. C'est ça qui est génial à Bourges, c'est que c'est familial. On se prend pas la tête. Il y a pas de lézard. D'ailleurs, par exemple, moi je me promenais tout à l'heure. J'avais envie de faire pipi, mais pour accéder aux toilettes, il fallait que je passe par les loges. Et j'avais pas de badge. Ben c'est pas grave. J'ai dit au gars de la sécurité, excuse-moi, j'ai pas de badge, mais je suis de France Inter. Le gars il a fait bon allez, c'est bon, tu peux y aller. Et c'est ça qui est bien, c'est à Bourges, c'est que c'est familial, mais que le côté Vigipirate est familial aussi. Ça c'est vraiment très très bien. Alors vous savez donc que moi je suis vraiment un fin gourmet de la musique française, de la musique populaire. C'est pour ça que quand je viens à Bourges, je suis arrivé tout à l'heure à 15h28 et j'en repars tout à l'heure à 18h45. Hein, c'est-à-dire je veux vraiment en laisser pour les autres. Hein, j'y vais vraiment avec parcimonie. Hein, j'en prends pas beaucoup, ce qui me laisse 4 heures finalement pour profiter pleinement du festival, des vendeurs de churros, des crêpes Nutella Chantilly, les t-shirts Bob Marley, les didgeridoo. Je crois que l'édition 2015 est d'ores et déjà une des plus belles éditions du Printemps de Bourges pour ce qui est de la vente de didgeridoo et djembé. 4 heures de festival, effectivement, c'est peu, mais je suis quand même très heureux d'être à Bourges. Attention, toutefois, ce que je viens de dire, c'est pas quelque chose qu'on peut dire dans tous les festivals. Je suis très content d'être à Bourges, mais si vous allez à Avignon et que vous dites je suis très heureux d'être à Avignon, il y a toujours une personne qui va vous dire attention, quand on parle d'Avignon, on dit pas à Avignon mais en Avignon. Hein, personne à qui vous aurez le loisir de pouvoir répondre oh mais ferme donc ta grande gueule. Alors merci donc à Brigitte d'être là aujourd'hui. Je dis bien merci à Brigitte, même si vous êtes deux, parce que on disait tout à l'heure, quand on parle du duo les Brigitte, on dit pas les Brigitte mais Brigitte. Ça commence à devenir un petit peu compliqué cette histoire. Hein, d'ailleurs c'est chelou parce que si je dis Brigitte elles vont jouer à Bourges à quelqu'un qui est pas au courant que vous êtes un duo, il va croire que je fais des fautes de français. Alors que non, c'est un peu comme si je disais dis donc Charlotte et Jacqueline elles vont au festival. C'est ce que tu dis. Hein. Merci en tout cas Brigitte d'être là aujourd'hui. Alors ce soir il y a un concert à ne pas rater, c'est le concert évidemment des Juliette Gréco. Les Juliette Gréco qui feront un grand concert, non pas d'adieu mais un concert de merci. C'est comme ça qu'elle appelle ça. C'est assez touchant de la part de Juliette Gréco d'avoir préféré faire un concert pour dire merci que pour dire adieu. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une grosse surprise à Juliette Gréco à la fin de son concert, enfin de leur concert, et qu'à la fin du concert de merci, on lui fasse tous un gros « y'a pas de quoi !» Alors viens, alors on se met tous ensemble, on fait un gros « de rien !» Voilà, et 10 000 personnes qui vous disent « y'a pas de quoi » en même temps, ben, je pense à fou les frissons, j'imagine. Alors il y a des chances, à ce moment-là, il faut prévenir quand même que Juliette Gréco réponde ben, « je vous en prie ». Et c'est là qu'il faudrait qu'on arrive tous à lui répondre en même temps, ah non, mais tout le plaisir est pour nous. Et voilà, et 10 000 personnes qui crient ça encore une fois en même temps, je pense ça va être assez chaud. Alors, enfin, pour terminer, eh bien, je vous propose qu'on se fasse une petite partie de Jacques Brel. Jacques Brel, voilà, j'ai gagné, puisque je vous l'avais pas dit, mais on venait de commencer la partie d'un jeu que j'avais inventé ici même l'année dernière. C'est le premier qui dit Jacques Brel, il a gagné, donc j'ai gagné, merci, bon festival à tous. Félicitations Thomas VDB. Vous êtes donc double champion de Jacques Brel, 2014 et maintenant 2015. Je remettrai mon titre en jeu l'année prochaine. Soyez tous vigilants quand il revient l'an prochain. On écoute un peu de Rita Mitsouko. On est avec Brigitte. Hey Andy, c'est une copine à moi qui m'a dit que tu t'appelais Andy. Andy, ça fait un moment que je te suis, Andy. Hey, tu viens chez moi? Ou alors on va chez toi. Allez Andy quoi. Oh dis-moi oui. Chou Andy. Dis-moi oui. Andy. Oh chou Andy. Dis-moi oui. Chérie. chez lui. Andy a toujours évité les ennuis. Nous sommes au printemps de Bourges en public. Craquer le studio, il y a même des gens qui nous écoutent dehors que je salue, hein, voilà, et ils lèvent la main, c'est qu'ils m'entendent et ça me rassure parce que sinon ils regarderaient des gens parler sans les entendre, ce qui est terriblement triste évidemment. Bonjour les gens dehors, et nous sommes avec Brigitte qui est bel et bien à l'intérieur et qui tout à l'heure sera sur scène et dont on entendra des extraits, Didier Varro m'a tout confirmé, dans Partons en live de 21h à 23h ce soir sur France Inter. Et si on veut vous voir en concert, eh bien le 21 novembre au Zénith de Paris, il reste des places, mais il en restera bientôt plus parce que ça cartonne tout le temps, donc voilà, dépêchez-vous. Brigitte, et le deuxième sujet que nous allons aborder, je sens que celui-là va vous parler. Nous allons en Angleterre, les Anglais attendent le Royal Baby. George Alexander Louis va avoir un petit frère ou une petite sœur. L'économie anglaise attend avec impatience. Oui, mais avant de relancer le Dow Jones, il faut d'abord que Kate accouche. C'est les mêmes qui vous disent que l'accouchement, c'était le plus beau jour de ma vie. Mais non, moi je les crois, hein, je veux bien, hein. Pas de problème. Mais ce que je me demande, c'est... ces filles-là, c'est... à quoi ressemblent les autres jours de leur vie? Oui, alors bien sûr, oui. Éventuellement, si t'es afghane et que tu vis en temps de guerre... et que t'es séquestrée, violée tous les jours par ton oncle, peut-être. Alors là, l'accouchement, ça peut être le plus beau jour de ta vie. C'était donc Florence Foresti. Est-ce que l'arrivée du Royal Baby, ça vous amuse? Vous observez ça de loin? Je savais même pas qu'elle était enceinte. Moi non plus. Ah, oui. Alors là, je vous le confirme, ça fait à peu près 9 mois, si je peux vous donner les chiffres sans être persuadé. On a raté ça. Oui, alors, mais... Personne ne dit rien, c'est horrible. Ça vous parle pas du tout? Je suis désolée. Parce que je me suis laissé dire par des Anglais, en regardant des reportages, que les Français étaient presque plus royalistes qu'eux, disent les Anglais. Vous auriez une espèce de, comment dire, de nostalgie d'une forme de monarchie, mais peut-être, je parle pas du concept en lui-même. Mais le faste, ça vous parle pas du tout? Pas trop. Non, l'idée des princesses, des princes... J'aimais mieux l'autre sujet, moi. Ah bah alors là, on est tranquille, je vais vous en parler quand même. Et figurez-vous que... J'espère que le troisième sujet vous plaira, parce que si on n'est pas emmerdé. On peut parler du prénom qu'ils vont peut-être lui donner. Et bon, bien sûr, mais j'ai ça en boutique, mais sûr... Peut-être le petit Ludovic. Mais ils savent pas le sexe encore, non? Si, eux, peut-être le savent. Ah. Mais on a des propositions de prénoms que nous donnent les journaux. Si c'est une fille, nous avons du Victoria, du Charlotte, du Diana, ce qui me semble un peu bizarre. C'est chelou, Diana. C'est chelou, on est bien d'accord. Okay. Alice, on a aussi. Pour les garçons, du James, du Henry, du Richard, rien de très original. Pas de Kevin, pas de Brian, qui aurait peut-être pu. De Kittis. Pour une fille, j'avais pensé à Désirless. Désirless pour une fille, mais évidemment, Kittis Wood. Kittis Wood. Mais oui, ah oui, Kittis Wood, jeu de mots. Alors, si vous voulez en savoir plus, VSD, qui est quand même au journalisme à la pointe, nous propose un reportage des photo. Belles photos, hein. Des belles photos faites par des sosies de la famille royale. Génial. Pour mettre en scène l'accouchement. Je montre au public parce qu'il ne pourrait pas le croire. VSD a fait toute une mise en scène, y compris avec Elisabeth II qui linge le ou la future petite. Oui, si vous voulez. Ah, attends, vous mais êtes... c'est super. J'avais un c'est bouquin. Super. C'est un photo. Non, mais j'avais un bouquin comme ça d'un photographe qui avait fait des fausses photos de paparazzi où tu voyais tout plein de gens connus dans des situations complètement bizarres. On est dans c'est on ça est dans ou pas ça. Mais ici c'est sérieusement fait. Là, c'est sérieux. Ah ouais. C'est pour mettre. Oui, et VSD est au second degré, mais pas à ce point-là. D'accord. Bon, bah écoutez, pas de mug avec la petite princesse ou le petit prince pour vous. En revanche, attention, là, c'est sûr que ça vous passionne, c'est la science. Et on a une spécialiste en science qui prend un article scientifique et qui nous l'explique, parce qu'on n'est pas capable de piger nous-mêmes. C'est Nicole Ferroni. Oui, pardon, alors en fait, excusez-moi, c'est juste qu'on dirait que ma chronique commence maintenant, alors qu'en fait, elle a commencé ce matin. Alors c'est vrai que juste pour l'anecdote, ce matin, j'étais un petit peu tendue parce que je voulais absolument poster une lettre urgente. Et comme je trouvais pas de boîte aux lettres, voilà, je suis partie à la recherche d'une poste et arrivée en fait sur la partie haute du festival, il y a un monsieur employé par la communauté d'agglomération de Bourges, donc Bourges Plus, qui tenait un stand de recyclage de déchets, qui me voyant, voilà, m'a proposé gentiment, bonjour madame, aimeriez-vous que je vous explique les différents procédés de recyclage, ce à quoi j'ai répondu, mais enfin bouffon, ne vois-tu pas que je cherche une boîte aux lettres? Alors bien sûr, après ça, j'ai vite insulté ses origines. Oh là, C'est. On a demandé à ce qu'un joueur d'harmonica intervienne pendant ton. Il y a Rémi Brica qui fait sa balance. Voilà. Alors, voilà, donc du coup, c'est vrai que j'ai insulté vite ses origines berrichonnes. Voilà, j'ai fait une clé de bras et je lui ai volé donc l'ensemble de ses prospectus. Et puis, une fois la boîte aux lettres retrouvée et le stress redescendu, c'est vrai que je me suis un petit peu demandé si ma réaction n'avait pas été disproportionnée. Et puis, non, après, je me suis rappelé qu'il était resté berrichon. Mais voilà, malgré tout, donc, par scrupule, voilà, j'ai lu les prospectus de ce monsieur qui parlait de recyclage de déchets dans le Berry, mais aussi sur notre planète, parce qu'il faut savoir que même si les océans dans le Berry sont plutôt propres, dans le Pacifique, où j'organise, il y a une porte qui grince là, où j'organise régulièrement des pique-niques entre amis, voilà, et voilà, c'est un océan qui est infesté de plastique, au point qu'il y flotte actuellement un continent de bouteilles, de sacs plastiques sur une surface qui fait près d'un tiers de l'Europe et qui va jusqu'à 30 mètres de profondeur, parce que tout le monde dit oui, le plastique, ça flotte, non, le polyéthylène ça flotte, le polypropylène ça flotte, mais les polycarbonates ça coule, les polyvinyles ça coule et les polygames ça ne se baigne pas, parce que comme ils doivent s'occuper de leurs femmes, ils ont très peu de temps du coup pour ce type de loisir. Et sauf que le problème de cette pollution plastique, c'est déjà que les poissons en ingèrent, donc près d'un tiers des poissons contiennent désormais des substances toxiques dans leur chair, et surtout que ça conduit à la mort de milliers de tortues qui, du fait du coup de leur décès, ne parviennent plus à arriver avant les lapins dans les Fables de La Fontaine et conduisent donc indirectement à un échec scolaire de millions d'élèves de CE1. D'où du coup la nécessité d'endiguer ce problème au plus vite. Donc moi je me suis posé la question, comment se fait-il que chaque année 7 millions de tonnes de déchets atterrissent dans les océans et non dans les stations de gestion de déchets? Et la réponse la plus simple que j'ai trouvée, c'est parce qu'ils n'ont pas atterri dans les stations de gestion de déchets qu'ils sont dans les océans. Et comme les stations de gestion de déchets sont à la planète exactement ce que le foie est à notre corps, c'est-à-dire un organe indispensable au bon fonctionnement du système par le nettoyage qu'il en fait, je me suis dit qu'en étudiant le foie, on trouverait par analogie un moyen de remédier au problème de l'océan. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu cette semaine le super article de la revue scientifique Plus One au sujet du foie, qui dit que les chercheurs de l'INSERM de Rennes ont fait ce constat que quand on soumettait des cellules du foie à des micro-particules de diesel, celles issues des moteurs diesel, leur fonctionnement était très perturbé. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ces chercheurs? Très certainement qu'ils ont obligé des cellules du foie à louer une voiture diesel et à rouler avec cette voiture diesel sur un certain nombre de kilomètres en leur demandant bien sûr d'ouvrir les fenêtres pour en aspirer un maximum de particules. Et le résultat est le suivant, c'est que comme attendu, ces cellules du foie intoxiquées au diesel assurent beaucoup moins bien le recyclage des déchets. Mais pas parce que, ils assurent moins bien la transformation des déchets entrés en elles, non. Parce qu'une fois intoxiquées au diesel, ces cellules présentent soudainement à leur surface beaucoup moins de pores. Alors pas le pore, non. Des pores P-O-R-E, c'est-à-dire des ouvertures, des portes qui permettent normalement aux déchets d'entrer dans la cellule avant d'être traités. Et donc, que nous apprend cette découverte scientifique? C'est que la première étape indispensable à la gestion des déchets, c'est déjà de leur ouvrir la porte à ces déchets et de ne pas se refermer sur soi. Et ce qui va là pour le foie est aussi valable pour les océans. Si on veut sauver les océans, la première chose à faire, c'est de ne pas se fermer à l'idée du recyclage et d'ouvrir nos ports de citoyens, d'être à l'écoute sur le fait de trier ces déchets. Donc si, comme moi, vous avez une lettre urgente à poster et qu'en chemin, vous croisez le monsieur des déchets, envoyez votre lettre, mais sans lui, l'envoyez bouler. Merci, Golfioli. Sous les applaudissements du public berruyer et de Brigitte, vous avez un petit peu feuilleté VSD pendant qu'on parlait, et c'est votre pote qui a pris les photos. C'est pas du tout ma pote, non, c'est un photographe qui s'appelle Allison Jackson, et en fait c'est un peu le Gorafi avant l'heure, c'est quelqu'un qui fait des fausses infos, des fausses news, des fausses photos de paparazzi. Elles sont assez drôles d'ailleurs. Mais c'est pas paparazzi, parce qu'on dirait photo-reportage plutôt. Photo-reportage ou photo paparazzi, drôle, c'est spécialisé dans la photo. Que c'est. Ils se font un selfie pendant qu'elle pousse quand même. Donc voilà, je retire ce que j'ai dit sur VSD. Il y a du second degré. Oui, tout à fait. C'est comme c'est Robbie Williams qui avait fait ça, lui, vraiment. On a quelqu'un au téléphone parce que ce soir, vous allez être dans l'émission Partons en live, mais il y en a un qui n'y sera pas, et c'est son présentateur. Bonjour André Manoukian. Bonjour Alex. Mais j'ai des circonstances. Oh, le rire machiavélique par lequel t'as commencé. On vous entend un petit peu. Vous êtes moins loin que ce matin. Vous étiez à Erevan ce matin. Vladimir Poutine, est-ce qu'il est sympa? Écoutez, il est sympa. Il est petit, mais il marche un peu comme un cow-boy. Et il a été, ma foi, très applaudi. Mais notre président était beaucoup plus applaudi que Vladimir Poutine. Ah, c'est bien. Julie Gaillet va bien? Je l'ai pas vu, Et m'entraîner pas sur ce terrain-là parce que Alex, pour une fois, je voulais être un petit peu sérieux. En même temps, c'est normal, oui, c'est pas tous les jours le centenaire d'un génocide. Et heureusement, vous allez me dire, parce que le génocide dont je vais vous parler, c'est celui de mes ancêtres, les Arméniens. Il eut lieu en Turquie, il fut déclenché le 24 avril 1915. Il a été le premier du 20e siècle, mais il a la particularité d'être le seul génocide pas encore homologué, enfin je veux dire pas encore reconnu, vous voyez. Alors c'est terrible d'être un enfant pas reconnu, mais plus encore d'être victime d'un génocide pas reconnu. Par contre, l'absurdité d'avoir à sortir des preuves devant ces bourreaux, quand ceux-ci choisissent pour leur défense le fait de se faire passer pour les victimes, là on atteint le sommet. Imaginez que les responsables nazis de la Shoah non seulement ne soient pas impunis, mais encore à une ligne de défense, qu'ils furent sauvagement massacrés par des méchants juifs et que pour se défendre, ils durent les déporter. Imaginez qu'on mette les cendres d'Hitler dans un panthéon et toutes les années on lui rende un vibrant hommage. C'est à peu près là qu'on en est aujourd'hui, du moins dans la version officielle des gouvernants turcs. Mais heureusement, les lignes bougent. Après 100 ans, vous me direz, il est un peu temps. Le mouvement vient, bien sûr, de la société civile et surtout de la jeunesse turque lors des événements de la place Taksim, quand en plein centre, ce parc du centre d'Istanbul qui fut occupé au prétexte qu'on voulait détruire des arbres pour construire un parking. Lors de l'assassinat de Landing, un journaliste turco-arménien assassiné par un fanatique d'extrême droite, ils étaient plus de 100 000 Turcs à défiler avec le slogan « Nous sommes tous des Arméniens ». Un récent sondage montre que plus de 30% de la jeunesse sait aujourd'hui qu'il y a eu génocide, ce qui est un exploit, sachant que les livres scolaires disent le contraire. Alors aujourd'hui, chers camarades, si je vous ai un peu lâché à Bourges, c'est qu'on m'a invité à faire partie de la délégation française qui se rendait à Yerevan pour la commémoration du centenaire. J'ai vu sur la grande qui surmonte la ville une flèche dressée vers le ciel. J'ai vu une flamme, j'ai vu un petit garçon de 7 ans qui a joué du doudouk, j'ai vu 4 chefs d'État, de nombreuses délégations étrangères, j'ai vu des chœurs angéliques de filles sublimes en tunique bleue, avec des châles de dentelle blanche, des garçons au paroisse avec des barbes de baryton, j'ai vu une messe, 5 discours de président, dont Poutine et François Hollande, Charles Aznavour répondre « Welcome » à une journaliste turque qui lui demandait un mot, j'ai vu des larmes, des sourires et des fous rires en pleine messe. C'est la moindre des choses. Mais revenons à la musique, une fois n'est pas coutume, elle est de circonstance. C'est un poème qui a été somptueusement mis en musique par Garbi Saprikian, un compositeur contemporain. Moutnel, ça veut dire jour sombre en arménien. La chanteuse est Léna Chamamian, je vous avais déjà parlé d'elle dans cette rubrique, c'est une Shirazade postmoderne, elle est syrienne d'origine arménienne. Le violoncelliste est turc, qui s'appelle Ozer Arkun, le percussionniste est français d'origine iranienne, il s'appelle Kevan Semirani. Et pour une fois, même si ça se fait pas, mais merde, c'est pas tous les jours le centenaire du génocide arménien, et ben c'est moi qui tiens le piano et je ne joue pas du stérile afghan. Et nous dédions tous les quatre, venus de différents coins, le meilleur de cet Orient mythique et insaisissable, sa musique. C'est parti. Merci André. André Manoukian, vous êtes toujours avec nous. Alors j'ai à ma gauche deux jolies blondes et je suis donc bien content que vous ne soyez pas là. Est-ce que vous avez un petit mot pour Brigitte? Eh bien écoutez, j'ai du mal, mais je sens sa vibration d'ici et je suis tout cœur avec elle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eh bien, salut André. Ah, par contre, j'ai pas envie de te dire bonjour. Bonjour, bonjour Brigitte, bonjour Brigitte. Bonjour, comment ça va? Je me suis tellement régalé avec vous deux aussi la dernière fois que vous êtes un petit miracle musical qui se passe en ce moment. Et je voulais savoir de quoi vous parlez, André. Et ben, de musique, bien sûr. Voilà. Merci André, on ne vous entend plus. Vous ça les coupe. Avez vus toutes les deux? Vous les avez déjà vus chanter toutes les deux? Je vous jure, c'est terrible. Eh ben écoutez, moi je vais rarement en concert, mais elle, je les ai vus. Alors c'est bien fait, pour une fois, vous ne m'aurez pas. Merci beaucoup André. Merci à vous. On vous retrouve la semaine prochaine. Nous entamons avec Brigitte, qui joue ce soir au Printemps de Bourges et qui sera le 21 novembre au Zénith de Paris pour leur album À Bouche que veux-tu et pour surtout le concert de vos deux albums et demi. Il y aura de tout dans ce concert-là. Vous m'aurez plus, je suis au taquet sur votre carrière. On passe au troisième sujet. Les hommes veulent aussi se déshabiller, mais de manière chic. Des cours de boylesque, on la cote, comme le prouve une page entière dans Libération aujourd'hui. Alors messieurs, si vous vous lancez dans les feuillages, faites attention à une chose, le choix du slip. Bon. Ça va pas, non, il est impeccable, il est ce matin. Non, oh non, c'est pas ça, c'est la forme, tu vois, ça casse un peu le personnage. Eh ben t'inquiète pas ma chérie. Ça casse pas ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est élégant. Le burlesque, est-ce que quand même par l'iconographie que vous dégagez sur vos albums et sur scène, est-ce que ça vous parle? Je m'y connais pas très très bien. J'aurais peur de dire des bêtises. J'ai l'impression que c'est vraiment un art assez particulier. Voilà. Mais c'est pas une imagerie qui vous inspire quelque part? Ouais, les plumes, les danses. Les strass, il y a quelque chose d'assez chouette. On a fait un concert au Crazy Horse il y a pas très longtemps. Alors je crois que c'est un peu cet esprit-là. Nous, on aime bien picorer des choses à droite, à gauche. Je suis pas sûre qu'on soit très burlesque. Peut-être qu'on a emprunté deux trois détails. La mèche droite, peut-être c'est ça. Peut-être. Et vous en avez emprunté un petit peu au disco aussi. Aussi, à tout ce qu'on aime en fait. Vous avez bien raison. Alors est-ce que, en revanche, là je m'adresse aux femmes, est-ce que vous pourriez... Alors je vous montre la photo de notre ami ici, je suis pas sûr que ce soit directement votre genre d'homme, en photo dans Libé. Est-ce qu'un homme qui... Oui, vous avez un rire qui en dit long sur le fait que c'est peut-être le slip uniquement qui vous a surpris. Non mais en fait les hommes et les femmes ça fonctionne pas pareil. Aurélie va vous en parler parce qu'elle a déjà vécu l'expérience de quelqu'un qui se... déshabille un peu. Oui, parlez-en. Voilà. Je vais m'allonger sur le divan et je vais vous raconter. Ouais. Non, en fait, on est allé à Moscou. Oui. Faire des concerts et puis on nous a invités. Salope. Et on nous a invités dans un premier lieu qui était un lieu pour hommes où des femmes dans des tout petits maillots de bain dansaient et c'était assez sexy en fait. Il y avait une vraie tension sexuelle dans ce lieu. Les femmes étaient très belles et même pour nous les femmes, on trouvait les femmes assez canons et le lieu avait quelque chose comme ça de très sexy. Et ensuite, on nous a invités à boire un coup dans un bar exactement pareil, mais pour femmes, on nous a dit. Et donc, c'était des hommes, pareil, avec des petits maillots de bain américains. Les femmes avaient des petits maillots de bain américains. Et un petit maillot de bain, tout petit, américain, sur un homme, eh ben, ça fait rigoler les femmes. Et voilà. Et vous l'avez vexé sur donc, russe. Mais non, mais en fait, le sexy... il n'est pas exactement pareil. Je pense être d'accord. Nous sommes avec différents. Vous. Nous sommes égaux, peut-être, mais différents aussi. Il y a un homme qui va se mettre à nu devant vous parce qu'il va chanter. C'est Frédéric Fromet, mesdames et messieurs. C'est notre barde du vendredi. Il prend l'actualité, il en fait une chanson et nous, chaque fois, on se demande si on sera à l'antenne le lundi qui suit. Bonjour Frédéric Fromet, quel est le thème de la chanson du jour? Alors aujourd'hui, je vais vous parler du handicap. Voilà. Donc pour ça, je me suis inspirée des 142 étudiants kényans récemment tombés sous les balles et cette semaine, de la noyade de centaines de migrants. Voilà. Fait le migrant, pan pan pan sur le Kenyan. Ils sont vraiment nuls, tous ces étrangers. Ils pourraient au moins courir ou nager. Moi qui croyais qu'un Kenyan, ça courait plutôt pas mal. Voilà que des étudiants se font rattraper par des balles. Quel intérêt d'être noir sans atteindre une vitesse folle. Et puis c'est bizarre, un noir qui va à l'école. Glou glou glou fait le migrant, pan pan pan sur le Kenyan. Ils sont vraiment nuls, tous ces étrangers. Il ne suffit pas de savoir zouker. Moi qui croyais qu'un migrant était plutôt débrouillard, le voilà dans l'océan, tout perdu sans ses brassards. Nous en France, de toute façon, on a déjà ce qu'il faut en champion de natation, et eux, ils sont beaux. Glou glou glou fait le migrant, pan pan pan sur le Kenyan. Ils sont vraiment nuls, tous ces étrangers. La mer est déjà bien assez polluée. Faut quand même pas être doué quand on a ses quatre membres pour disparaître noyé. J'accuse pas, je me demande comment les autres font. Y en a des pires qui s'en sortent. Regardez Philippe Croison, lui au moins il flotte. Glou glou glou fait le migrant, pan pan pan sur le Kenyan. Ils sont vraiment nuls, tous ces étrangers. Même en handisport, ils seraient derniers. Y a quelque chose qui m'échappe, pourquoi émigrer chez nous, qui traitons le handicap moins bien que nos chers toutous. Alors bon, un Africain qui n'est pas sportif du tout, qu'est-ce qu'on ferait de ce vilain? Trop tard, glou glou glou. Glou glou glou fait le migrant, pan pan pan sur le Kenyan. Ils sont vraiment nuls, tous ces étrangers. Ou alors c'est nous, mais ça m'étonnerait. Merci. Voilà. Je ne sais pas, peut-être à lundi. Et si on revient lundi, Charline sera de retour. Merci à toutes les équipes qui m'ont aidé à être patron pendant une semaine. Merci aux équipes techniques qui nous ont permis d'être à Bourges, ici au printemps de Bourges, qui commence aujourd'hui, avec notamment Brigitte qui était nos invités. Merci à vous, bon concert mesdames. Je vous dis un gros merde. Merci Nicole Ferroni. Oh ben merci Thomas VDB, plus que 45 minutes. Il faut profiter des churros. Absolument. Je me dépêche. Allez-y, merci au public de Bourges. Merci. Et on se quitte avec le meilleur conseil de Juliette. Déshabillez-vous.